mangé des choux, la chèvre, elle a mangé des choux. Elle a mangé des choux, la chèvre, elle a mangé des choux. Des choux raves et des pissenlits sauvages. Des choux raves et des pissenlits. Bestiole, je vais te manger la chèvre, gare à toi bestiole.